إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس شهر رمضان، سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن غزوة بدر التي وقعت في هذا الشهر المبارك. هذه الغزوة التي نصر الله المسلمين على أعدائهم المشركين، وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان، لأنه سبحانه وتعالى فرق بين الحق والباطل بنصرة رسوله والمؤمنين. وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة. وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قد توجه من الشام إلى مكة بعير قريش، فدعا أصحابه إلى الخروج إليه لأخذ العير، لأن قريش حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس بينه وبينهم عهد، وقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وقاموا ضد دعوتهم، فكانوا مستحقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعيرهم. Ceci est la 13e assise des assises du Ramadan, dans laquelle nous allons traiter et parler de la bataille de Badr. Cette bataille de Badr qui a eu lieu pendant ce mois béni de Ramadan, une bataille dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce jour de la bataille de Badr Yawm al-Furqan, le jour du discernement, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait durant ce jour la distinction entre le vrai et le faux, en accordant la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En accordant la victoire au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et en donnant la défaite aux polythéistes de la Mecque. Cette victoire a eu lieu pendant le mois du Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Et la cause de cette bataille de Badr est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information que Abu Sufyan revenait du Sham vers la Mecque avec une caravane commerciale en sa possession. Et effectivement, Abu Sufyan, qui par la suite s'est converti à l'islam, revenait du Sham avec une caravane pleine de biens et de richesse de Quraysh. Et cette caravane n'était escortée que par une quarantaine d'hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses compagnons radiallahu anhum de sortir pour aller attaquer cette caravane, car les polythéistes de la Mecque étaient en guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il n'y avait pas entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes de pacte. Au contraire, c'était une guerre déclarée, au point que les polythéistes ont expulsé les musulmans de la Mecque, les ont expulsés de leur maison, les ont privés de leurs biens et se sont mis face à eux contre l'appel à la vérité, à savoir l'appel à l'islam. Ainsi, les polythéistes de la Mecque méritaient, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, de voir leur caravane être attaqué par les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti dans le but de combattre. Il est sorti dans le but d'intercepter cette caravane que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très peu escorter. Il n'avait donc pas besoin d'une armée pleine d'hommes, d'une armée avec beaucoup de cavaliers et armée jusqu'aux dents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin de tout cela. Il est donc sorti de Médine avec, en sa compagnie alayhi salatu wa sallam, un peu plus de 300 hommes. Il n'avait que 2 chevaux et 70 chameaux approximativement. Parmi ces hommes, parmi ces 300 et quelques hommes, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 70 faisaient partie des muhajirines et le reste faisait partie de l'Ansar. Ils se sont donc dirigés pour intercepter cette caravane. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que dans leur chemin, ils croisent une immense armée parmi l'armée des polythéistes. Une rencontre qui n'était pas prévue. لِيَقَضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose qui devait arriver. Quant à Abu Sufyan, لَمَّا عَلِمَ بِهِمْ فَبَعَثَ صَارِخًا إِلَى قُرَيْشِ يَسْتَنْجِدُهُمْ لِيَحْمُوا عِيَرَهُمْ وترك الطريق المعتادة وسلك ساحل البحر فنجا. Quant à Abu Sufyan, qui était un homme extrêmement intelligent et extrêmement futé, il savait très bien, il connaissait très bien la valeur de la caravane qu'il accompagnait et connaissait sa valeur, qui était estimée à plus de 50 000 dinars. Il prenait donc ses précautions et demandait durant son chemin à ceux qu'il croisait s'ils n'avaient pas constaté des choses étranges ou aperçu des personnes, etc., etc. Puis cette information que les musulmans sont sortis de Médine afin d'intercepter sa caravane lui est parvenue. L'information lui a été donnée par un homme qui a vu 2 hommes en chameau qui, à un moment donné, avaient agenouillé leur chameau sur une colline. Alhamdulillah. Ces 2 hommes étaient en fait les éclaireurs du prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé afin de connaître la position de cette caravane de Abu Sufyan. Et Abu Sufyan a demandé à connaître l'endroit exact où s'étaient positionnés ces 2 hommes. Il a constaté à travers les défections de ces chameaux que cette nourriture était la nourriture de Yathrib, de Médine. Il savait donc que ces 2 chameaux venaient de Médine. Et donc cette information qui lui était parvenue s'était avérée confirmée. Il a alors envoyé un avertisseur qui devait aller à la Mecque le plus rapidement possible pour informer les polythéistes de la Mecque que les musulmans de Médine étaient en route pour s'attaquer à leurs biens. Et Abu Sufyan, par son intelligence, comme je l'ai dit, a décidé de changer d'itinéraire et a décidé non plus de prendre le chemin et la route connue entre le Shem et la Mecque, mais de bifurquer vers la côte et de longer la côte ouest actuelle, la côte ouest de l'Arabie Saoudite. Quant à Quraysh, lorsque cet avertisseur leur est parvenu et leur a annoncé que leur caravane était en danger et qu'elle allait être attaquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont alors réuni une grande armée constituée de beaucoup de Mécois. Beaucoup de notables parmi les Quraysh ont décidé de partir eux aussi, et ils ont aussi sollicité les tribus alliées, leurs tribus alliées qui étaient à proximité de la Mecque. Ils ont réussi à constituer une armée de plus de 1000 hommes, avec eux 100 cavaliers et un nombre important de chameaux, à peu près 700. Ils sont sortis de la Mecque, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah. Afwan akhi, at-tasjil la la nasmahu bih, barakallahu fik. At-tasjil barak. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ils sont sortis de Médine, de la Mecque, comme Allah Azza wa Jal le relate dans Surat Al-Anfal, dans le sens « Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique. » Ré'a an-nas, ils sont sortis avec arrogance, avec ostentation, en se montrant devant les gens comme étant les plus forts, comme étant les imbattables, comme étant une armée qui ne pouvait connaître la défaite. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, obstruant le chemin d'Allah. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, mais Allah subhanahu wa ta'ala cerne parfaitement ce qu'ils font. Ils sont donc sortis avec eux des chanteuses qui les encourageaient à combattre les musulmans. Lorsque Abu Sufyan a eu connaissance que les polythéistes de la Mecque avaient quitté la Mecque et avec eux une immense armée, il a envoyé un émissaire afin de les informer qu'il a réussi à éviter ce guet-apens. Et il leur a dit qu'il avait pu éviter les musulmans et donc il n'y avait plus besoin qu'ils se dirigent vers l'endroit où ils se trouvent et afin d'éviter une guerre. فَأَبَوْ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُوْ جَهْلُ وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَبْلُغَ بَدْرًا ونقيم فيه ثلاثة ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. Abu Jahl a refusé et a dit, par Allah, nous ne retournerons pas à la Mecque jusqu'à atteindre Badr, l'endroit appelé Badr, et que nous y restions 3 jours. Nous sacrifierons nos chamelles, nous mangerons à notre faim, nous boirons le vin afin que les Arabes entendent parler de nous et afin que les Arabes nous redoutent à jamais. Amma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لما علم بخروج قريش جمع من معه من الصحابة واستشارهم عليه الصلاة والسلام. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'information que les polythéistes de la Mecque sont sortis, il a réuni ses compagnons radiallahu anhum et les a consultés. Il leur a dit alayhi salatu wassalam, Inna Allah qad wa'adani ihda al-ta'ifatayn, imma al-ira aw al-jayish. Allah azza wa jalla m'a promis une des deux choses, soit la caravane, soit l'armée. Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu anhu, qui faisait partie des muhajirin, a pris la parole. Et s'est exprimé au nom des muhajirin, comme je l'ai dit, qui étaient à peu près 70 dans ce groupe constitué d'un peu plus de 300 personnes. Al-Miqdad ibn al-Aswad s'est exprimé au nom des muhajirin et leur a dit, il lui a dit, ô envoyé d'Allah, reste et suis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Par Allah, nous ne dirons pas comme ont dit les fils d'Israël à Moussa, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. Nous ne dirons pas comme les fils d'Israël ont dit à Moussa, va, toi et ton Seigneur, combattre, nous nous restons assis ici. Mais nous combattrons à tes côtés, nous combattrons à ta droite, à ta gauche, devant toi et derrière toi. Il a donc exprimé son soutien total au prophète sallallahu alayhi wa sallam au nom de tous les muhajirin. Puis Sa'd ibn Mu'ad al-Ansari radiallahu anhu, qui était le chef de la tribu de l'Aus, une des tribus de Médine, al-Aus ou al-Khazraj. Il a dit, ô envoyé d'Allah, peut-être crains-tu que les Médinois, al-Ansar, ont pris l'engagement de te secourir uniquement à Médine. Et je te dis, au nom des Ansar, fais ce que tu veux, fais le pacte avec qui tu veux, combat qui tu veux, prends de nos biens ce que tu veux, laisse de nos biens ce que tu veux. Et ce que tu prends de nos biens est plus aimé chez nous que ce que tu laisses. Nous te suivrons même dans les contrées les plus lointaines. Et si tu décides de traverser l'océan, nous le traverserons avec toi. Et nous n'avons aucune peur de rencontrer l'ennemi demain. Et nous patienterons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut réjoui de ce qu'il a entendu de la part des muhajirin et de ce qu'il a entendu de la part de l'ansar. فنزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة وأنزل الله تلك الليلة مطرا كان وبالا شديدا على المشركين وكان طلا طهر وكان على المسلمين طلا طهرهم وشد الرمل ومهد المنزل و ثبت الأقدام. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons se sont installés au niveau de Badr dans le versant le plus proche de Médine. Quraysh, eux, se sont installés dans le versant le plus éloigné de Médine et le plus proche de la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit-là a fait descendre une pluie qui a fait reculer et a rendu l'avancée des polythéistes impossible. Et du côté des musulmans, cette pluie les a purifiés. Cette pluie a tassé la terre, a consolidé le sol, a raffermi les pieds et a consolidé les cœurs également. وبنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مشرف على ميدان الحرب. Puis les musulmans ont construit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam un centre de commandement au-dessus d'une colline qui donnait sur la place ou sur le champ de bataille. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de son poste de commandement et a aligné les rangs des musulmans et a indiqué à chacun, alayhi salatu wassalam, l'endroit dans lequel il devra combattre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé en direction de ses compagnons, puis a regardé en direction des polythéistes, et a dit, alayhi salatu wassalam, Allahumma hadihi Quraysh, جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذب رسولك اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. في البروفيس صلى الله عليه وسلم a regardé le côté des musulmans, puis a regardé du côté de Quraysh et a dit, oh Allah, voici Quraysh qui sont venus avec leur ostentation et leur arrogance, accompagnés de leurs cavaliers qui viennent te défier et traité de mensonge et traité de menteur ton prophète. Ô Allah, je te demande la victoire que tu m'as promis. Ô Allah, si cette troupe périt aujourd'hui, en parlant des musulmans, il n'y aura plus personne pour t'adorer. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont aussi invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et ont imploré son secours afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la victoire. Allah azza wa jal relate cela dans surat Al-Anfal, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Lorsque ton Seigneur a révélé aux anges, Anni ma'akum, je suis avec vous, fathabbitu alladhina amanu, raffermissez donc ceux qui ont cru. Puis la bataille a commencé. والنبي صلى الله عليه وسلم في العريش ومعه أبو بكر وسعد ابن معاذ يحرسانه عليه الصلاة والسلام فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويستنصره ويستغيثه ثم خرج يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. البروفيت صلى الله عليه وسلم était dans son poste de commandement au-dessus de cette colline. Avec lui, il y avait Abu Bakr radiallahu anh et Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anh qui protégeaient le prophète alayhi salatu wassalam. Et alors que la bataille avait commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azza wa jal et lui demandait la victoire, implorait son secours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et descendu de son poste de commandement en disant سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. Leur rassemblement va se dissiper et ils fuiront, en parlant des mouchriquines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors encouragé ses compagnons dans le combat. Et leur a dit, والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. Il a dit عليه الصلاة والسلام: par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, ne les combattra aujourd'hui, celui qui les combattra aujourd'hui et mourra en étant patient, en espérant la récompense de son Seigneur, en faisant front et non en tournant le dos, Allah le fera entrer au paradis. فقام عمير بن الحمام الأنصاري بيده وبيده تمرات يأكلهن قال فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال بخ بخ يا رسول الله ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء لئن حييت حتى أكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. Lorsque Umayr ibn Himam al-Ansari radiyallahu anhu a entendu ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dans sa main quelques dattes qu'il mangeait et il a dit: ô envoyé d'Allah, est-ce un paradis aussi vaste que les cieux et la terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui. Et Umayr ibn al-Himam al-Ansari a dit: bakhin bakhin, ô envoyé d'Allah, il n'y a entre moi et le fait d'entrer au paradis que le fait que cela me tue si je vis jusqu'à finir de manger ces dattes, alors ce sera une vie déjà trop longue. Puis il a jeté ces dattes radiyallahu anhu et a combattu jusqu'à mourir radiyallahu anhu. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من تراب فرمى بها القوم فأصابت أعينهم فما منهم واحد إلا ملأت عينه وشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلوا 70 رجلا وأسروا 70. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a pris une poignée de terre, et dans d'autres versions une poignée de gravillon, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeté en direction des mouchriquines, et cette poignée de terre a atteint chacun de ces polythéistes jusqu'à lui remplir les yeux. Ils étaient donc occupés à débarrasser leurs yeux de cette poussière qui les a atteints, un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ils étaient dans ce moment de trouble et dans ce moment d'incertitude, et lorsqu'ils étaient déstabilisés par ce qui a touché leurs yeux, les musulmans ont alors lancé leur offensive, et les polythéistes ont fui et ont retroussé chemin. Les musulmans les ont suivis et ont tué parmi eux 70 hommes et en ont fait prisonniers 70 autres. أما القتلى فألقي منهم 24 رجلا من صناديدهم في قليب من قلبان بدر منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عتبة وابنه الوليد. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فدعا على هؤلاء الأربعة فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعا قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها ثم مشى واتبعه أصحابه رضي الله عنهم حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها لا أرواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce que 24 parmi ces tués du côté de Quraysh soient jetés dans des prépices de Badr. Parmi eux, Abu Jahl, Shayb ibn Rabi'a et son frère Utbah, ainsi que son fils Al-Walid ibn Utbah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette bataille, a invoqué Allah azza wa jalla en se dirigeant vers la Kaaba et a invoqué contre ces quatre. Et il a attesté radiyallahu anhu les avoir vus gisant morts, leur corps étant devenu putréfié par la forte chaleur qui était présente à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 70 qui ont été tués du côté des polythéistes de Quraysh, il a ordonné à ce que 24 parmi les notables soient jetés dans des fosses de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une bataille, restait toujours 3 jours pour montrer sa suprématie et pour montrer que la bataille est gagnée et qu'il restait dans cet endroit 3 jours, alayhi salatu wassalam. Une fois ces 3 jours écoulés, il a ordonné à ce que l'on prépare sa monture, puis est parti, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons le suivaient, radiyallahu anhum. Une fois arrivé à proximité des fosses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé chacun de ces 24 cadavres gisants. Il les a appelés par leur nom et le nom de leur père. Et leur a dit, ô un tel, fils d'un tel, et toi un tel, fils d'un tel, êtes-vous joyeux d'avoir obéi à Allah et à son prophète? Quant à nous, nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous avait promis. Et quant à vous, avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous avait promis comme étant vérité? Omar radiallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, pourquoi t'adresses-tu à des corps sans âme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, vous n'entendez pas mieux qu'eux ce que je leur dis. Vous n'entendez pas mieux qu'eux ce que je leur dis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine. Et durant son retour vers Médine, alayhi salatu wa sallam, s'est posé la question des prisonniers, qui étaient, comme on l'a vu, au nombre de 70. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons pour décider du sort de ces prisonniers. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'établir une rançon pour la plupart d'entre eux qui était estimée entre 1000 et 4000 dirhams. Pour certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis la libération à condition qu'il enseigne aux enfants de Médine à lire et à écrire, car parmi eux il y en avait qui savaient très bien lire et écrire. Parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a libéré en échange de la libération de prisonniers qui étaient détenus chez les polythéistes de la Mecque. Et parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé la libération, et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de tuer, car ils faisaient partie des notables et des têtes et de ceux qui ont semé la corruption sur terre et de ceux qui ont causé de nombreux torts aux musulmans. Voici de façon brève la bataille de Badr qui a eu lieu pendant ce mois de Ramadan, dans un jour de forte chaleur, un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à un groupe de musulmans qui n'étaient aucunement préparés au combat, qui étaient un peu plus de 300 avec uniquement 2 chevaux et 70 chameaux, face à une armée de 1000 hommes qui est sortie dans le but de combattre, qui avait plus de 100 cavaliers, plus de 700 chameaux. Une armée tellement grande que pour la nourrir, il fallait tuer par jour entre 9 et 10 chameaux. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges pour combattre à leur côté et raffermir leurs pas. هذا ما تيسر ذكره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين